4000, c'est l'année. T'es déjà mort. KR, dans ton ZE. C'est qui ça? Bon. Il me faut du liquide en avoir les poches trempées. Vous allez me respecter comme si j'étais votre grand-père. Là où on a marché, ils sont encore en train de ramper. Que le rap de France ouvre sa schneck, c'est la rentrée. Le temps c'est de l'argent, donc j'ai une montre pour chaque jour. L'aiguille trotte et je devrais être un peu plus riche à chaque tour. C'est l'heure de la gifle, ok, j'ai une main pour chaque joue. Les deux majeurs sont dressés un peu comme Tupac Amaru, inspiré par Camaro, car il a fait bien plus d'os et Cosmo. Mais vous allez adorer, oui, l'inspire vient du cosmos. Je vais traumatiser la musique brutale et sans répit. Puis je produirai des idiotes qui veulent faire du R&B. Sais-tu qu'au lycée, je traînais avec des moches trop laides, car je sais que par la suite, elles deviendraient des top modèles. Et depuis Roselma qu'elles sont accro. Mais chérie, moi je suis pas un black, je suis un négro. On est sorti scandale, baisse la tête ou mange la. Hématome overdose jusqu'à la tombe, c'est bestial. Hémoglobine sur l'asphalte, le disque, la sape. Si tu rentres dans le ring, ce sera pas juste verbal. On est sorti scandale, baisse la tête ou mange la. Hématome overdose jusqu'à la tombe, c'est bestial. Hémoglobine sur l'asphalte, le disque, la sape. Si tu rentres dans le ring, ce sera pas juste verbal. Pareil que TP dégère le bis, donc c'est normal si on te baisse. Déjà moi t'es la dream team, j'aimerais que les victimes se taisent. Que ces bâtards Jankly paient leur ardoise hardcore comme un acteur de chez Dorcel. Pour les hors-d'oeuvre ramène 3 kilos de merguez. Qu'on se fasse sens, remémore un 95. Fallait qu'on représente les nôtres, fallait qu'on défouraille les orges. Fallait qu'on dise, qu'on monte, qu'on se mette à l'aise. Et ouais mon pote, monte à la guerre, la caisse sista. Enlève tout ce que tu portes, talent aiguille dans tel menot. Je veux bien passer la nuit au poste. Lui, laisser mes empreintes et l'ADN dans une capote. Un son crapuleux pour ton poste. Quand tu passes la douane en force, quand tu squattes la note. J'ai le parking devant ton bloc, les poucaves derrière leur vitre. Même scénario toute la night, quand y'a plus de lumière qui brille. Reste les Lascar, les Dox, mon son dans le poste et les contrôles de la barre. On est sorti scandale, baisse la tête ou mange la. Hématome overdose jusqu'à la tombe, c'est bestial. Hémoglobine sur l'asphalte, le disque, la sape. Si tu rentres dans le ring, ce sera pas juste verbal. On est sorti scandale, baisse la tête ou mange la. Hématome overdose jusqu'à la tombe, c'est bestial. Hémoglobine sur l'asphalte, le disque, la sape. Si tu rentres dans le ring, ce sera pas juste verbal. Mon père a des femmes sur plusieurs continents, c'est trop speed. Fais pas chier ou j'appliquerai la règle du tel père tel fils. Merci pas à West Coast, mes amis je les appelle bitches. Fuck that shit, je me marierai en ensemble dickies. Trouve-nous un seul concurrent, on pleura sur la souffrance. On va se marrer comme à la mort de Pascal Sevran. Avec mon tonton ZEGUA, c'est easy. C'est rest in peace Vince, nous on s'en bat les couilles Biggie. La même chose pour Fifty et ses pare-balles. Je rappe pour les gardaves, les mitards, les parloirs. Le grappling, le pancras, le muay thai, le noblard. Les vrais gars qui savent, qui soignent le mal par le mal. Je sais bien que par là y'aura toujours un tarba avec une lampe prêt à m'ouvrir l'abdomen de haut en bas. Je sais, forcément, je reste sur mes gardes. Les yeux ouverts en grand, le calibre, j'écharpe même en stand-by. On est sorti scandale, baisse la tête ou mange la. Hématome overdose jusqu'à la tombe, c'est bestial. Hémoglobine sur l'asphalte, le disque, la sape. Si tu rentres dans le ring, ce sera pas juste verbal. On est sorti scandale, baisse la tête ou mange la. Hématome overdose jusqu'à la tombe, c'est bestial. Hémoglobine sur l'asphalte, le disque, la sape. Si tu rentres dans le ring, ce sera pas juste verbal.